Soudain, on frappa quelque part. Jamais encore je n'avais entendu frapper ainsi. C'était un bruit chaud, fermé et double. Mon oreille le transmit, et en même temps je vis que le médecin avait atteint le fond. Mais un instant s'écoula avant que les deux impressions se fussent rejointes en moi. « Tiens, tiens, songeai-je, cela y est donc. » Le battement, ou son rythme tout au moins, résonna presque avec une joie maligne et triomphante. Je regardais l'individu que je connaissais à présent depuis longtemps. Non, il se dominait tout à fait. C'était un monsieur qui travaillait vite et bien, qui allait repartir tout à l'heure. Il n'y avait pas dans son attitude la moindre trace de jouissance ou de satisfaction. Sur sa tempe gauche seulement, je ne sais quel ancien instinct avait dressé quelques cheveux. Il retira l'instrument avec précaution, et il y eut quelque chose qui ressemblait à une bouche d'où, deux fois de suite, s'échappa du sang, comme si cette bouche avait prononcé un mot de deux syllabes. Le jeune médecin blond, avec un geste élégant, le recueillit aussitôt dans un peu de coton. Et puis la blessure se tint tranquille, comme un œil fermé. Il faut admettre que je m'inclinais de rechef, sans, cette fois, me rendre exactement compte de mes gestes. Du moins fus-je étonné de me retrouver seul. Quelqu'un avait remis en ordre l'uniforme, et le ruban blanc était posé là, comme tout à l'heure. Mais à présent le capitaine des chasses était mort, et il n'y avait pas lui seulement qui le fût. À présent le cœur était transpercé, notre cœur, le cœur de notre race, à présent c'était accompli. « Aujourd'hui, briguer et jamais plus, » disait une voix en moi. Je ne pensais pas à mon cœur. Et lorsque j'y songeais plus tard, je sus pour la première fois avec certitude qu'il n'était pas ici en cause. C'était un cœur particulier. Il était déjà en train de tout reprendre depuis le commencement. Je sais que je me figurais de ne pouvoir aussitôt repartir en voyage. Il faut d'abord que tout soit mis en ordre, me répétais-je. Mais je ne voyais pas très clairement ce qui voulait être mis en ordre. Il n'y avait, pour ainsi dire, rien à faire. J'allais et venais dans la ville, et je remarquais qu'elle s'était transformée. Il m'était agréable, en sortant de l'hôtel où j'étais descendu, de découvrir que c'était à présent une ville pour grandes personnes, qui faisait état de toutes ses ressources presque comme aux yeux d'un étranger. Tout avait cependant un peu rapetissé, et je descendais la Langolini jusqu'au phare, et revenais de nouveau sur mes pas. Lorsque je m'approchais de l'Amalyangade, il arriva cependant que je ne sais d'où émana quelque influence, dont on avait retenu des années durant l'autorité, et qui essayait encore une fois sur vous sa puissance. Il y avait là certaines fenêtres de coin, ou certains porches, ou certaines lanternes qui savaient bien des choses sur vous, et qui vous en menaçaient. Je les regardais en face, et leur faisais sentir que j'habitais l'hôtel Phoenix, et que d'un instant à l'autre je pouvais repartir. Mais ma conscience n'en était pas rassurée. Je commençais à soupçonner que peut-être je n'avais surmonté encore aucune de ces influences et de ces correspondances. Je les avais quittées un jour en secret, tout inachevées qu'elles étaient. L'enfance aussi resterait encore à parfaire, si l'on ne veut pas la considérer comme perdue à jamais. Et tandis que je comprenais comment je la perdais, je sentais en même temps que jamais je ne posséderais autre chose sur quoi je pourrais m'appuyer. Je passais tous les jours quelques heures dans la Drolleningen Savegade. Dans ces chambres étroites qui avaient un air offensé, comme tous les appartements où quelqu'un est mort. J'allais et venais entre la table à écrire et le grand poêle en faïence blanche, et je brûlais les papiers du capitaine des chasses. J'avais commencé par jeter au feu les liasses entières des lettres, telles que je les avais trouvées, mais les petits paquets étaient trop bien ficelés, et seul le rebord charbonnait. Je dus surmonter une certaine répugnance à les dénouer. La plupart avaient une odeur forte et pénétrante qui fonçait sur moi comme si, en moi aussi, elle avait voulu éveiller des souvenirs. Je n'en avais point. Il arrivait alors que des photographies s'échappassent, qui étaient plus lourdes que tout le reste. Ces photographies brûlaient avec une incroyable lenteur. Je ne sais pas comment ceci survint. Soudain, je me figurais que le portrait d'Ingeborg pouvait se trouver là. Mais chaque fois que je regardais, c'étaient des femmes mûres, magnifiques et d'une beauté trop évidente, qui me suggérait des pensées toutes différentes. Car il apparaissait à présent que je n'étais pas tout à fait dépourvu de souvenirs. C'était dans de tels yeux exactement que je me trouvais parfois lorsque, au temps que je commençais à grandir, je traversais la rue aux côtés de mon père. Alors, du fond d'une voiture, elle pouvait m'envelopper d'un regard auquel on n'échappait que difficilement. Je savais à présent qu'elle me comparait à lui, et que la comparaison ne tournait pas à mon avantage. Non, certes, le capitaine des chasses n'avait aucune comparaison à redouter. Il se peut que je sache à présent quelque chose qu'il a redouté. Je veux dire ce qui m'a conduit à cette supposition. Au fond de son portefeuille se trouvait un papier qui avait été longtemps plié, était devenu friable et s'était brisé au pli. Je l'avais lu avant de le brûler. C'était écrit de sa main la plus soigneuse, écrit d'une manière sûre et régulière, mais je remarquai aussitôt que ce n'était qu'une copie. 3 heures avant sa mort, ainsi commençait le feuillet qui traitait de Christian IV. Bien entendu, je ne saurais en répéter littéralement le contenu. 3 heures avant sa mort, il demanda à se lever. Le médecin et le valet de chambre, Warnus, l'aidèrent à se redresser. Il était debout, assez mal assuré, mais il était debout, et ils le revêtirent de sa robe de chambre piquée. Puis il s'assit soudain sur le rebord du lit et dit quelque chose. Il n'y avait pas moyen de le comprendre. Le médecin tenait toujours encore sa main gauche pour que le roi ne s'affalât pas en arrière dans le lit. Ils restèrent assis de la sorte, et le roi disait de temps à autre, avec peine et trouble, cette parole inintelligible. Enfin, le médecin commença à l'encourager et à lui parler. Il espérait peu à peu deviner ce que le roi voulait dire. Au bout d'un instant, le roi l'interrompit et dit tout à coup très clairement « Oh, docteur, docteur, comment vous appelez-vous » Le médecin eut peine à s'en souvenir. « Sperling, sire. » Mais ceci n'importait pas du tout. Le roi, dès qu'il eut entendu qu'on le recomprenait, ouvrit tout grand l'œil droit qui lui était resté et dit avec tout son visage le mot, le seul qu'il y eut encore, que sa langue formait depuis des heures. « Doden, dit-il, Doden. » Il n'y avait rien de plus sur la feuille que j'avais trouvée. Je la relus plusieurs fois avant de la brûler. Et je me souvins que mon père avait beaucoup souffert dans les derniers temps. On me l'avait d'ailleurs raconté. Depuis ce temps, j'ai beaucoup réfléchi sur la peur de la mort, non sans faire entrer dans ces considérations certaines expériences personnelles. Je crois pouvoir dire que je l'ai ressentie. Elle s'empara de moi en pleine ville, au milieu des gens, souvent tout à fait sans raison. D'autres fois, au contraire, les raisons se multipliaient. Par exemple, lorsque quelqu'un sur un banc s'abandonnait, et tous étaient debout autour de lui et le regardaient. Et il avait déjà dépassé la peur. Alors, à mon tour, j'éprouvais sa peur. Ou bien, autrefois, à Naples, cette jeune personne était assise en face de moi, en tramway et mourut. D'abord, on crut à un évanouissement, et durant un moment, la voiture ne s'arrêta même pas. Mais ensuite, il n'y eut plus de doute possible que nous dussions nous arrêter. Et derrière nous stationnaient les voitures, et se faisaient plus nombreuses, comme si cette direction était à jamais interdite. La jeune fille pâle et grasse eût pu mourir tranquillement, appuyée ainsi sur sa voisine. Mais sa mère ne le permit pas. Elle lui fit toutes les difficultés possibles. Elle mit ses vêtements en désordre et lui versa quelque chose dans la bouche qui ne gardait plus rien. Elle frotta sur son front un liquide que quelqu'un avait apporté. Et lorsque les yeux alors se déboîtèrent un peu, elle commença à la secouer, pour que son regard revînt en avant. Elle criait dans ses yeux qui n'entendaient pas. Elle tiraillait et bousculait le tout, de gauche à droite, comme une poupée. Et enfin, elle prit un élan et frappa de toutes ses forces cette figure bouffie pour qu'elle ne mourût pas. Alors, à mon tour, j'eus peur. Mais j'avais eu peur auparavant. Par exemple, lorsque mon chien mourut. Celui qui m'accusa une fois pour toutes, il était très malade. Toute la journée déjà, j'étais agenouillé près de lui. Lorsque soudain un aboiement bref et saccadé, tel qu'il en poussait lorsqu'un étranger entrait dans la chambre, le dressa. Un tel aboiement avait été en quelque sorte convenu entre nous pour ces cas-là. Et machinalement, je me retournai vers la porte. Mais c'était déjà en lui. Inquiet, je cherchais son regard et lui aussi chercha le mien. Non pas pour prendre congé de moi. Il me regardait avec une surprise étrange et dure. Il me reprochait d'avoir laissé entrer. Il était persuadé que j'eusse pu empêcher cela. À présent, il apparaissait qu'il avait trop présumé de mon pouvoir, et il n'était plus temps de le désabuser. Il me regarda avec un étonnement douloureux et un air de solitude, jusqu'à ce que tout fût fini. Ou bien j'avais peur, lorsqu'en automne, après les premières nuits de gelée, les mouches venaient dans les chambres, et se ranimaient encore une fois à la chaleur. Elles étaient singulièrement desséchées, et s'effrayaient de leur propre bourdonnement. On voyait qu'elles-mêmes ne savaient plus trop ce qu'elles faisaient. Elles restaient immobiles durant des heures et se laissaient aller jusqu'à ce qu'elles se souvinssent de nouveau qu'elles vivaient encore. Alors elles se jetaient à l'aveuglette n'importe où et ne comprenaient pas ce qu'elles y voulaient. Et on les entendait retomber plus loin, ici, là ou ailleurs. Et enfin elles se traînaient partout, et couvraient peu à peu toute la chambre de leurs morts. Et même lorsque j'étais seul, il arrivait que j'eusse peur. Pourquoi devrais-je feindre que ces nuits n'aient pas été durant lesquelles la peur de la mort me dressait et me faisait m'accrocher à cette pensée que ce maître sur son séant était du moins encore de la vie, que les morts, eux, n'étaient pas assis. C'était toujours dans ces chambres de hasard qui m'abandonnaient aussitôt que je me trouvais mal, comme si elles avaient craint d'être compromises et mêlées à mes méchantes histoires. J'étais assis, et sans doute mon aspect était-il si effrayant que rien n'avait le courage de fraterniser avec moi. La lumière même, à qui je venais de rendre le service de l'allumer, ne voulait rien savoir de moi. Elle brûlait pour elle seule, comme dans une chambre vide. Mon dernier espoir était alors toujours de nouveau la fenêtre. Je me figurais qu'il pouvait y avoir encore là-haut dehors quelque chose qui m'appartint, même à présent, à l'heure de cette pauvreté de mourir. Mais à peine avais-je regardé dans cette direction que je souhaitais que la fenêtre eût été barricadée, fermée comme le mur. Car à présent, je savais que tout se continuait là-bas, avec la même indifférence, que dehors aussi il n'existait rien d'autre que ma solitude. La solitude que j'avais faite autour de moi et dont la grandeur n'était pas proportionnée à mon cœur. Je me rappelais des hommes que j'avais une fois quittés, et je ne comprenais pas que l'on pût jamais quitter des hommes. Mon Dieu, si de telles nuits encore m'attendent, laissez-moi du moins une de ces pensées que parfois je pouvais poursuivre. Ce n'est pas trop déraisonnable d'implorer cela, car je sais qu'elle naissait précisément de la peur, parce que ma peur était trop grande. Lorsque j'étais encore un enfant, ils me frappèrent au visage et me dirent que j'étais lâche. C'était parce que ma peur n'avait encore aucune valeur. Mais depuis lors, j'ai appris à avoir peur, d'une peur véritable, qui ne grandit que comme grandit la force qui la produit. Nous ne pouvons mesurer cette force que par notre peur, car elle est si inintelligible, si entièrement dirigée contre nous, que notre cerveau se décompose à l'endroit où nous nous efforçons de la penser. Et cependant, depuis quelque temps, je crois que c'est notre force à nous, toute notre force qui est encore trop grande pour nous. Il est vrai que nous ne la connaissons pas, mais n'est-ce pas ce qui nous appartient le plus dont nous savons le moins? Quelquefois je songe comment le ciel est devenu et comment la mort. Nous avons éloigné de nous nos biens les plus précieux, parce que nous avions encore tant d'autres choses à faire auparavant, et parce qu'ils n'étaient pas en sécurité chez nous, gens trop absorbés. À présent des temps sont révolus, et nous nous sommes habitués à des biens moindres. Nous ne connaissons plus notre bien, et nous nous effrayons de son extrême grandeur. N'est-ce pas possible? D'ailleurs, je comprends parfaitement que l'on conserve au fond de son portefeuille le récit d'une heure d'agonie, tant d'années durant. Il ne serait même pas nécessaire qu'elle fût particulièrement choisie. Elles ont toutes quelque chose de presque rare. Ne peut-on, par exemple, se représenter quelqu'un qui copierait un récit de la mort de Félix Harvers? Il était à l'hôpital. Il mourut doucement et paisiblement, et la religieuse le croyait peut-être plus avancé qu'il n'était en réalité. Elle cria très fort un ordre quelconque vers le dehors en indiquant où se trouvait tel ou tel objet. C'était une nonne, illettrée et assez simple. Elle n'avait jamais vu écrit le mot « corridor », qu'à cet instant elle ne put éviter. Il arriva ainsi qu'elle dit « corridor », parce qu'elle croyait qu'il fallait prononcer ainsi. Alors Harvers repoussa la mort. Il lui semblait nécessaire d'éclaircir d'abord ceci. Il devint tout à fait lucide et lui expliqua qu'il fallait dire « corridor ». Puis il mourut. C'était un poète, et il haïssait à peu près. Ou peut-être la vérité lui importait-elle seule. Ou encore il était fâché de devoir remporter comme dernière impression que le monde continuait à vivre si négligemment. Il ne sera sans doute plus possible de trancher ces questions. Mais qu'on ne croit pas surtout qu'il s'agit ainsi par pédanterie. Sinon le même reproche atteindrait aussi saint Jean de Dieu, qui sursauta en pleine agonie et arriva juste à temps pour détacher au jardin l'homme qui venait de se pendre, et dont l'acte avait pénétré d'étrange façon dans la tension intérieure de son agonie. À lui aussi la vérité seule importait. Il existe un être qui est tout à fait inoffensif. Lorsqu'il passe sous tes yeux, tu l'aperçois à peine et tu l'as aussitôt oublié. Mais qu'invisible il atteigne en quelque façon tes oreilles, aussitôt il s'y développe, il éclot pour ainsi dire. Et l'on a vu des cas où il s'introduisait jusque dans le cerveau, et croissait dans cet organe en le ravageant, semblable au pneumocoque du chien qui pénètre par le nez. Cet être, c'est le voisin. Eh bien, depuis que tout seul, je vais ainsi d'un endroit à l'autre, j'ai eu d'innombrables voisins. Voisins d'en haut et voisins d'en bas, voisins de droite et voisins de gauche. Quelquefois les quatre espèces en même temps.